الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنواصل بإذن الله في هذه الليلة درسنا الذي بدأناه بالأمس و موضوعه عن البدع. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر عهد الخلفاء الراشدين. كما Et nous étions, ou nous allons continuer le cours qu'on avait commencé hier concernant les innovations. Et ce soir, on va voir l'apparition des innovations, ou comment sont apparues les innovations dans la vie des musulmans. Et quelles sont les causes qui ont fait que les innovations apparaissent dans cette communauté. Cheikh al-Islam, rahimahullah, il nous dit que, sache que la plupart des innovations concernant la science ou concernant les adorations, eh bien, elles sont apparues dans cette communauté à la fin de l'époque des quatre califes bien guidés. Comme أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين كما رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن صحيح. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de l'apparition de ces innovations. Il nous a informé que ces innovations allaient apparaître dans sa communauté quand il nous dit: celui qui vivra après moi parmi vous verra énormément de divergences. Alors à ce moment-là, quand vous verrez ces divergences, et ces divergences, c'est quoi? C'est l'apparition des innovations. À ce moment-là, eh bien, accrochez-vous à ma sunna. Cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés. Yani Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali. Wa awwal bid'atin dhaharat bid'atul qadr. Wa bid'atul irja. Wa bid'atul tashayyu'. والخوارج ولما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وحدثت المرجئة قريبا من ذلك وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وقد روي أنه أنذر بهم وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام ابن عبد الملك. Et parmi les premières innovations qui sont apparues, l'innovation de l'Qadr concernant le destin, et l'innovation de l'Irja concernant la foi, et l'innovation de l'Tashayyu et de l'Khawarid, des chiites et de l'Khawarij. Et quand, eh bien, après la mort de Uthman radiallahu anhu, après l'assassinat de Uthman, eh bien est apparu al-Khawarij, yani al-Haruriya. Et à la fin de l'époque des compagnons radiallahu anhum, sont apparus al-Qadariya. Ou à la fin de l'époque des compagnons radiallahu anhum sont apparus al-Haruriya. Et à la fin, eh bien, de l'époque d'Ibn Umar, d'Ibn Abbas ou Jabir et autres parmi les jeunes compagnons, eh bien, est apparu al-Qadariya. Et le Murji'a, eh bien, sont apparus juste après cela, juste après al-Qadariya. Et quant à al-Jahmiya, eh bien, ils sont apparus à la fin de l'époque de Tabi'in, après la mort de Umar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah wa radiyallahu anhu. Et il a été rapporté que Umar ibn Abd al-Aziz, eh bien, a averti la communauté de l'apparition de al-Jahmiya, et que Jahm, eh bien, est venu et a ramené son innovation à Khorasan, à l'époque, eh bien, du califat de Hisham ibn عبد الملك وهذه البدع ظهرت في القرن الثاني والصحابة رضي الله عنهم موجودون. Et donc ces innovations, elles sont apparues au deuxième siècle après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons رضي الله عنهم, certains d'entre eux étaient encore vivants. وقد أنكروا على أهلها. Et les compagnons qui étaient vivants, eh bien, ils ont rejeté et réfuté les gens, eh bien, qui accomplissaient ces innovations. ثم ظهرت بدعة الاعتزال وحدثت الفتنة أو الفتن بين المسلمين وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء وظهرت بدعة التصوف وبدعة البناء على القبور بعد القرون المفضلة وهكذا كلما تأخر الوقت زاد البدع وتنوعت. Et donc on a dit que ces innovations, elles sont apparues au deuxième siècle, après la mort du prophète, après l'Hijr. Et les compagnons, radiallahu anhum, étaient encore présents, certains d'entre eux. Et ils ont réfuté les gens d'innovation. Et après cela, eh bien, est apparu al-Mu'tazila et leur innovation concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et à ce moment-là, eh bien, la discorde et les problèmes entre les musulmans se sont propagés également. Et est apparue, eh bien, la divergence dans les avis et le fait que les gens penchent, que les musulmans penchent vers les innovations et leurs passions. Et également, après cela, est apparu al-tasawwuf, yani les soufis. Et également, l'innovation de la construction sur les tombes, la construction des mausolées et des coupoles après, yani ceci est apparu après, eh bien, les siècles bien guidés. Et c'est ainsi qu'à chaque fois, eh bien, que le temps passe, et plus le temps passe plutôt, et plus, eh bien, les innovations ont augmenté et sont apparues de toutes sortes. وتختلف البلدان الإسلامية في ظهور البدع فيها. Il faut savoir que, eh bien, les pays musulmans sont différents dans l'apparition des innovations. فقال شيخ الإسلام رحمه الله فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة. شيخ الإسلام رحمه الله il nous dit qu'il faut savoir que les grandes villes et les grandes contrées qui ont été habitées par les compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et desquelles sont sorties la science et la foi sont au nombre de 5. Sont au nombre de 5. الحرمان يعني مكة والمدينة العراقان يعني البصرة والكوفة والشام خمسة منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام. Et donc de ces contrées là sont sortis le Coran et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la jurisprudence et l'adoration et tout ce qui suit concernant, eh bien, les sujets de l'islam. وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية. Et de ces contrées, eh bien, sont sorties également, eh bien, des innovations dans les fondements. Sauf de la ville de Médine. Sauf de la ville de Médine. فَالْكُوفَ خَرَجَ مِنْهَا التَّشَيُّعْ وَالْإِرْجَعْ. De l'Koufa, eh bien, est sorti التَّشَيُّعْ, يعني les chiites, et l'Irja, l'Murji'a. وَانْتَشَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا. Et après cela, eh bien, التَّشَيُّعْ, يعني le chiisme, et l'Irja, eh bien, après être apparu à l'Koufa, eh bien, s'est propagé dans d'autres contrées. وَالْبَصَرَ خَرَجَ مِنْهَا الْقَدَرْ وَالْإِعْتِزَالِ. Et Al-Kufa, eh bien, est sorti, ou non, Al-Basra, ou de Al-Basra est sorti Al-Qadar, et yani, l'innovation de Al-Qadar, et l'innovation de l'Irtizal, Mu'tazila. Et après cela, eh bien, ces innovations se sont propagées dans d'autres contrées. Wa-Sham kana biha al-Nawasib wal-Qadar. Wa-amma al-Tajahum fa-innama zahara fi nahiyati Khurasan. Mais quant à, eh bien, Al-Sham est sorti Al-Nawasib. Al-Nawasib, c'est ceux qui insultent la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également Al-Qadar, Bid'at Al-Qadar, kharajat min Al-Sham. Et après cela, eh bien, elles se sont propagées dans d'autres contrées. Mais quant à Tajahum Al-Jahmiya, eh bien, ils sont sortis, comme on avait dit, des alentours de Khurasan. Et comme il dit Shir, c'est la pire des innovations. وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية. Et l'apparition des innovations était selon, eh bien, que était pire selon l'éloignement que cette contrée avait de Médine. فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية. Donc comme on a dit, après l'assassinat de Uthman, les Harouriyya sont apparus. وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع. Mais quant à, eh bien, Médine, elle était épargnée, ou elle a été épargnée de l'apparition de ces innovations. وإن كانت بها من هو مضمر لذلك فكان عندهم مهانا مذموما إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم ولكن كانوا مقهورين ذليلين بخلاف التشيع والإرجاء في الكوفة والاعتزال وبدع النساك بالبصرة والنواصب بالشام فإنه كان ظاهرا وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخلها يعني لا يدخل المدينة ولم يزل العلم والإيمان ظاهرا إلى زمن أصحاب مالك وهم من أهل القرن الرابع. Et donc comme on a dit, Médine, eh bien, à cette époque-là, aucune innovation n'est sortie de cette ville, de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il y avait des gens qui voulaient, eh bien, faire apparaître des innovations. Mais à cette époque-là, eh bien, ils étaient avilisés, ils étaient humiliés. Et on ne leur donnait aucune considération à ces gens-là. Et à cette époque-là, eh bien, à Médine, il y avait des gens parmi le Qadariya et autres parmi les innovateurs, mais comme on a dit, ils étaient avilisés et ils étaient humiliés et ils n'étaient pas considérés. Contrairement, eh bien, aux chiites et aux murji'a al-Kufa, et contrairement aux mu'tazila et al-Basra, et contrairement à al-Nawasib fi al-Sham, fa'innahu kana zahira. Cela, eh bien, ils étaient apparents dans ces contrées-là. Mais à Médine, les gens de l'innovation, eh bien, n'étaient pas considérés. Et il est rapporté dans le Sahih, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que Dajjal, le faux messie, eh bien, n'entrera pas à Médine. Et la science n'a cessé d'apparaître et de se propager, et la foi n'a cessé de propager de cette ville de Médine, jusqu'à, eh bien, à l'époque des compagnons de Malik, l'imam Malik, l'imam Dar al-Hijra. Et eux, ils faisaient partie, eh bien, du 4e siècle, après l'Hijr. فأما العصور الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة. Et donc comme on a dit, à Médine, dans les trois siècles bien guidés, il n'y avait aucune innovation qui est sortie de Médine. Aucune innovation n'est jamais sortie de Médine. ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة. Et aucune innovation dans les fondements de la religion n'est sortie de Médine. كما خرج من سائر الأمصار. Contrairement, eh bien, aux autres contrées, aux autres villes, qui ont fait sortir, eh bien, des innovations dans les fondements de l'islam. أما الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع. Et quelles sont les causes qui ont, eh bien, amené à l'apparition des innovations dans la communauté musulmane. مما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه من جاء من الوقوع في البدع والضلال. فقال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Faut savoir déjà premièrement que sans aucun doute le fait de se cramponner au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il y a dans cela la sauvegarde de tomber, eh bien, dans les innovations et dans l'égarement. Le fait de s'accrocher au Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tu seras préservé de tomber dans l'innovation et l'égarement. Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, et ceci est mon chemin droit dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les autres chemins qui pourraient vous faire, eh bien, dévier de ce chemin. Voilà ce qu'il vous a enjoint afin que vous atteigniez la piété. وقد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال وهذا وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فمن أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق المضللة والبدع المحدثة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique ce verset. Parce qu'Allah azza wa jal, il nous dit, voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui est rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, d'après l'imam Ahmad ou Ibn Hibban ou Al-Hakim ou ghayruhum, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait par terre. Il a tracé un trait par terre. Et il a dit, ce trait-là, c'est le chemin d'Allah Azza wa Jal. Un trait droit par terre. Il a dit, ceci est le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, sur les côtés de ce trait, il a tracé des traits à droite et des traits à gauche. Et ensuite, il a dit, ceci sont des chemins. Et à la tête de chaque chemin, il y a un diable qui y invite. Un diable qui y invite. Et ensuite, il a lu le verset où est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit, et ceci est mon chemin droit dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas ces chemins qui pourraient vous faire dévier du sentier d'Allah Azza wa Jalla. Voilà ce qu'il vous a enjoint, peut-être atteindrez-vous la piété. Donc celui qui diverge du Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il faut savoir que les chemins de l'égarement et les innovations et les hérésies, eh bien, se disputeront pour l'avoir. والأسباب التي أدت إلى ظهور البدع تتلخص في الأمور التالية. Donc les causes qui ont fait que les innovations sont apparues, on peut les résumer dans ce qui suit. أولاً الجهل بأحكام الدين واتباع الهوى والتعصب للآراء والأشخاص والتشبه بالكفار وتقليدهم. Donc ça c'est les quatre causes, eh bien, qui ont fait que les innovations ou qui ont fait que, eh bien, que les innovations soient apparues. La première c'est l'ignorance de la religion, dans la religion. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est le suivi des passions. La troisième cause, c'est le fanatisme à certains avis et à certaines personnes. Et la quatrième cause, c'est la ressemblance aux mécréants et le fait, eh bien, de les suivre dans leur tradition. Awalan al-jahl bi ahkam al-din. Premièrement, eh bien, la première cause qui a mené à l'apparition des innovations, c'est quoi ? C'est l'ignorance concernant la religion. كلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة قل العلم وفشى الجهل. Faut savoir qu'à chaque fois, eh bien, que le temps passe et que les gens, eh bien, s'éloignent de l'époque prophétique, eh bien, la science diminue et l'ignorance augmente. كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا أضلوا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe de cela, de l'apparition de l'ignorance et de la diminution de la science. Il nous dit dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, il nous dit que celui qui va vivre après moi parmi vous, eh bien il verra énormément de divergences. Il verra énormément de divergences. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit également dans un autre hadith, il nous dit: certes, Allah Azza wa Jal n'enlève pas la science de la poitrine des gens, des serviteurs. Mais il enlève la science en enlevant les ulama, en enlevant les savants. Et quand les savants meurent, eh bien la science meurt avec eux. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant. Alors à ce moment-là, eh bien les gens prendront à leur tête des ignorants. Ils seront questionnés, ils donneront des jugements religieux sans aucune science. Et ils égareront et seront égarés. فَلَا يُقَاوَمُ الْبِدَعَ إِلَّا الْعِلْمُ وَالْعُلَمَا. Rien ne peut contrer les innovations si ce n'est la science et les savants. فَإِذَا فُقِدَ الْعِلْمُ وَالْعُلَمَا أُتِيحَتْ الْفُرْصَةُ لِلْبِدَعَ أَنْ تَظْهَرَ وَتَنْتَشِرَ ولأهلها أن ينشطوا. Et si, eh bien, la science et les savants disparaissent, eh bien là, ce sera l'occasion pour les innovations d'apparaître et de se propager. Et ce sera l'occasion des gens également d'innovation, eh bien, d'être actifs. La deuxième cause, السبب الثاني التي أدت إلى ظهور البدع هي اتباع الهوى. La deuxième des causes qui a fait que les innovations sont apparues, c'est le suivi des passions. Le suivi des passions. فَمَنْ أَعْرَضَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ اتَّبَعَ هَوَاهُ. Il faut savoir que celui qui se détourne du Coran et de la Sunna, obligatoirement, il aura suivi quoi ? Ses passions. كَمَا قَالَ تَعَالَى فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَظَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset du Coran, fi surat al-Qasas? Il nous dit: sache que s'ils ne te répondent pas, ils ne répondent pas à ton appel, à ton invitation à suivre le Coran et la Sunna, eh bien sache qu'ils n'auront fait que suivre leur passion. Et qui est plus égaré que celui qui suit ses passions sans aucune guidée de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala ta'ala faraita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allah ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans notre verset: as-tu vu celui qui a pris pour divinité ses propres passions et qu'Allah Azza wa Jalla a égaré avec science, et il a scellé sur son ouïe et sur son cœur, et il a mis un voile sur sa vue, Qui le guidera après Allah tabaraka wa ta'ala? Qui peut le guider si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? Al-bida' innama hiya nasijul hawa al-muttaba'. Il faut savoir que les innovations en réalité ne sont que le résultat du suivi des passions. Ce sont que le résultat des suivis des passions. والسبب الثالث في ظهور البدع التعصب للآراء والرجال. La troisième cause, eh bien, qui a mené à l'apparition des innovations, c'est le fanatisme concernant les avis de certaines personnes ou concernant certaines personnes. التعصب للآراء والرجال يحول بين المرء واتباع الدليل. Il faut savoir que le fait de se fanatiser à un avis ou à un homme, une personne, eh bien, entrave entre la personne et les preuves du Coran et de la Sunna. Obstrue entre la personne et les preuves du Coran et de la Sunna. Pourquoi ? Parce que la personne sera tellement aveuglée, fanatisée à suivre cette personne ou cet avis qu'elle ne verra même plus les preuves ni du Coran ni de la Sunna, mais elle ne jurera que par la vie de cette personne. Wal'iyadu billah. Wa yahulu kadhalika bayna al-mar'i wa bayna ma'rifati al-haqq. Et également elle entrave entre la personne et le fait d'essayer de rechercher la vérité. Fa qala ta'ala wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Et si on leur dit suivez ce qu'Allah azza wa jalla a descendu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire nous suivons la chose sur laquelle nous avons trouvé nos ancêtres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire eh bien qu'ils se sont fanatisés eh bien sur leurs ancêtres et ils ne veulent plus écouter les preuves et la vérité. هذا هو شأن أو الشأن في المتعصبين اليوم من بعض أتباع المذاهب الصوفية والقبوريين إذا دعوا إلى اتباع الكتاب والسنة ونبذ ما هم عليه مما يخالفهما يحتج بمذاهبهم ومشايخهم وآبائهم وأجدادهم. Et ceci est bien la situation aujourd'hui à l'heure actuelle de ceux qui se fanatisent parmi eh bien les soufis et autres, parmi eh bien les adorateurs des tombes. Si on les appelle à suivre les preuves du Coran et de la Sunna et à délaisser ceux qui divergent du Coran et de la Sunna, eh bien ils prendront pour argument eh bien leur voix, ils prendront pour argument leur chouyour et ils prendront pour argument eh bien leurs pères et leurs ancêtres. Et comme certains eh bien commun des musulmans, quand tu lui dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait telle adoration ainsi, et tu diras ouais, mes parents ils m'ont jamais appris cette chose là, mes parents ils ne m'ont jamais appris cette chose là. Tu lui dis qala Allah, qala Rasul, il te dit mon père. Il priait pas comme ça, il m'a pas appris comme ça. Est-ce que c'est sur ton père ou sur tes ancêtres que Allah Azza wa Jalla a fait la révélation? Ces gens-là, il faudrait qu'ils raisonnent. Et ils craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Wal as-sabab ar-rabi' allati أدت إلى ظهور البدع التشبه بالكفار. La quatrième des causes qui a fait que les innovations apparaissent, c'est la ressemblance aux mécréants. وهو من أشد ما يوقع في البدع. Et ça c'est la chose, la pire des choses qui puisse eh bien faire tomber dans l'innovation. Kama fi hadith Abi Waqid Al-Laythi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ila Hunayn barakallahu fi. Wa nahnu hudatha'u 'ahdin bi kufr. Wa lil mushrikin sidra ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Yuqalu laha dhatu anwat. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها كما جعلت كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من قبلكم، كما رواه الترمذي وصححه. Et donc le fait de se ressembler aux mécréants fait est une des pires des causes qui puissent mener à l'innovation. Comme ceci est rapporté dans le hadith de Abu Waqid al-Layfi, où est-ce qu'il dit: nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Hunayn, alors que nous étions nouveaux, nous venus de rentrer dans l'islam. Ça ne faisait pas longtemps que nous étions rentrés dans l'islam. Et à ce moment-là, les associateurs avaient un jujubier, un arbre, de sorte, jujubier, sur lequel, ils se réunissaient et accrochaient leurs armes. Et on appelait cet arbre Zatu Anwat. Et donc, il dit: nous sommes passés également devant un jujubier et nous avons dit: ô messager d'Allah, donne-nous un jujubier comme le leur, c'est-à-dire sur lequel nous nous recueillerons et nous accrocherons nos armes pour justement la bénédiction. Donne-nous un comme eux ils en ont. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Allahu Akbar. Il a glorifié Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a dit: ceci est leur tradition. Ceci est la tradition qui sans aucun doute va se propager dans ma communauté. Vous avez dit par celui qui détient mon âme la même chose que les enfants d'Israël ont dit à Moussa. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moussa? Comme Allah Azza wa Jal nous rapporte fi surat al-A'raf, il nous dit qu'ils ont dit à Moussa: donne-nous une divinité comme eux ils ont une divinité. Alors Moussa il leur a dit: vous êtes certes un peuple ignorant. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, il leur a dit: vous allez certes suivre leurs traditions ou les traditions de ceux qui étaient avant vous. ففي هذا الحديث أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل أن يطلبوا هذا الطلب القبيح. Dans ce hadith, il y a la preuve que le fait de vouloir ressembler aux mécréants les a poussés ou a poussé les enfants d'Israël à demander ou à faire cette demande honteuse à Moussa de prendre une autre divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. وهو أن يجعل لهم آلهة يعبدونها. De prendre une autre divinité adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. وهو الذي حمل بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسألوه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها من دون الله. Et c'est également le fait de vouloir ressembler aux mécréants qui a poussé certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à demander au prophète alayhi salatu wa sallam de leur donner un arbre auquel ils demanderaient la bénédiction en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. وهذا نفس الواقع اليوم فإن غالب الناس من المسلمين قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات كأعياد المواليد. Et aujourd'hui, c'est la même chose à l'heure actuelle. La plupart des gens parmi les musulmans, ceux qui les a poussés à commettre des innovations, c'est la ressemblance aux mécréants. C'est la ressemblance aux mécréants dans le fait de faire des innovations et de l'association. Comme le fait de fêter les anniversaires. وَإِقَامَةِ الْأَيَّامِ وَالْأَسَابِيعِ لِأَعْمَالِ الْمُخَصَّصَ وَالْإِحْتِفَالِ بِالْمُنَاسَبَاتِ الدِّينِيَّةِ وَالذِّكْرَيَاتِ وَإِقَامَةِ التَّمَاثِيلِ والنصب التذكارية وإقامة المآتم وبدع الجنائز والبناء على القبور وغير ذلك. Et donc c'est la ressemblance aux mécréants qui a poussé la plupart des musulmans aujourd'hui à fêter les anniversaires, à donner une spécificité à certains jours, à fêter certains événements de la religion comme l'Isra ou le Mi'raj, à fêter ou à faire des représentations. À innover concernant les enterrements et les cortèges funèbres, à innover concernant le fait de construire des mausolées sur les tombes et autres. C'est là ? Non, c'est ça. ثم قال موقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة. Et quelle est la position des gens de la sunna concernant eh bien, les innovateurs. فما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدع. Il faut savoir que les gens de la sunna ne cessent et ne cesseront de réfuter les innovateurs. وينكرون عليهم بدعهم ويمنعونهم من مزاولتها. وإليك نموذج من ذلك. Et donc les gens de la sunna ne cesseront eh bien de réfuter, de rejeter les innovateurs et de réfuter leurs innovations et de les empêcher de la propager. Et nous allons donner des exemples à cela. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له ما لك فقال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. D'après Umm al-Darda رضي الله عنها comme ceci rapporté par al-Bukhari, elle nous dit que Abu Darda رضي الله عنه est rentré chez lui en colère. Elle lui a dit qu'as-tu, quand elle a vu son mari en colère, son époux en colère, elle lui a dit qu'est-ce que tu as. Il lui a dit, par Allah, je ne reconnais en rien la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur eux, si ce n'est qu'il prie en groupe. C'est-à-dire yani, qu'il faisait des innovations qui n'étaient pas présentes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que il ne reconnaissait rien de la religion sur laquelle il les avait laissés Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça prouve que les compagnons radiallahu anhum au salaf eh bien réfutaient et répugnaient de l'innovation. Wa an Umar ibn Yahya qala sami'tu abi yuhaddithu an abi qala kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud. وقت خلاص الاذان ان شاء الله. On va faire l'adhan, on fait la salat et on reprendra après la salat inchallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Je profite pour vous dire que le frère Amjad, il sera présent demain, Inch'Allah, à Nîmes, à la mosquée Lumière et Piété, où il donnera un cours après Salat Maghrib. Et il sera parmi nous, Inch'Allah, pour la Salat Jumu'ah. C'est lui qui présidera la Salat, Inch'Allah. Voilà. On va rester là, je crois. Ça, j'ai pas cité son.